Le printemps est enfin arrivé et pour vous préparer pour la belle saison, le magasin Canadian Tire est fin prêt. Que ce soit pour les articles de piscine, tondeuse ou le centre du jardin qui ouvrira très bientôt, le magasin Canadian Tire a tout ce qu'il vous faut. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Adolbo-Mistassini, canadiantire.ca. Le magasin Canadian Tire tient à souligner le mois de l'arbre et de la forêt. La forêt, un des moteurs économiques de notre secteur. Ici Luc Simard. À titre de préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, je tiens à profiter du mois de l'arbre afin de souligner l'importance qu'a la forêt pour notre communauté. Nous sommes choyés car nous avons la chance de posséder l'un des plus importants parterres forestiers du Québec. Cette importante ressource constitue non seulement notre principal moteur économique, mais aussi un immense terrain de jeu pour tous nos citoyens. Soyons-en fiers et assurons-nous de l'aménager et la protéger afin que nous puissions léguer une forêt en santé aux générations futures. Le Titan de Candy Batters a remporté la Coupe Memorial le dimanche soir en défaisant les Pats de Regina 3-0. Question de savoir qu'est-ce que ça représente à Batters, la conquête du Titan. On rejoint de Radio-Canada à Acadie, François Saint-Gelais. Bonjour François. Allô? François, d'abord, ça représente quoi? Parce qu'il y avait eu des rumeurs de déménagement à un moment donné. Ça s'est calmé parce que Sean le Couturier est arrivé, donc il a amené une certaine stabilité. Mais ça représente quoi pour la conquête de la Coupe Memorial? Est-ce que ça représente l'avenir? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent, ben, les Titans, là, oui, ont gagné la Coupe Memorial, mais la carte de crédit va tellement être dure à payer que je suis pas sûr qu'à long terme, le club déménagera pas. Ben, si on recule en arrière, il y a 5 ans, lorsque la Ligue junior majeure du Québec a un peu forcé la main de Léo Guy Morissette à vendre l'équipe, il y avait un certain vouloir de la part de Léo Guy Morissette de garder l'équipe dans la région. On ne sait pas vraiment pourquoi exactement. Est-ce que c'est parce qu'il n'obtenait pas ce qu'il voulait ailleurs? Ça a toujours été un mystère, mais il y a des hommes d'affaires, des gens d'affaires de la région, des hommes, des femmes, de tout le nord-est du Nouveau-Brunswick, mais il y a même des gens de Moncton qui ont contribué à cette situation-là. Et qui ont réussi à amasser les fonds nécessaires pour acheter l'équipe. Ça fait 5 ans de ça. Ouais. Il y a eu des parties très, très basses. Les propriétaires pensaient que, en chassant Léo Guy Morissette de Batters, les gens reviendraient, mais la marque de commerce du Titan a été un peu plus écorchée. Ils ont fait le bon travail. Là, maintenant, ce que ça représente pour une ville, c'est parce que faut savoir que dans le nord de la province, là, il y a beaucoup de problèmes économiques. Okay. Il y a eu des fermetures de moulins, des fermetures de mines, ouais. Des fermetures d'usines. Et les mines qui ont fermé dans un peu plus loin à Campbellton, par exemple. Et ça fait mal à l'économie. Et on y avait une image de perdant qui s'est installé un peu dans la région. Donc le fait que le Titan ait gagné la Coupe Memorial, ben ça a donné une certaine vigueur depuis quelques années. On sent que le Titan est sur la bonne voie. Est-ce que la carte de crédit est remplie à pleine capacité? Je suis pas sûr. Je crois que lorsque le Titan a été acheté, il restait plus grand chose et pas grand marge de manœuvre. Okay. Et lorsqu'on a eu payé les dettes puis qu'on a fait la consolidation, là, comme lorsqu'on est plein de dettes, on fait un emprunt de consolidation. Lorsque toutes les dettes ont été payées, on a pu construire et remettre certaines affaires, aller chercher des choix au repêchage en banque. Par exemple, Mitchell Balmus a été échangé, ça va être confirmé vendredi, au Screaming Eagles du Cap-Breton. Ben, ils ont obtenu un 9e choix au repêchage. Donc, ça aide beaucoup. Puis, à long terme, je crois qu'il faudra pas trop s'inquiéter. Je crois que Sylvain Couturier a les deux mains sur le volant, fait que ça va aider. Le fait que les gens ont vu ce qui s'était passé, puis qu'il y a un grand respect de la part des gens de la région qui sont propriétaires à être, comment on pourrait dire ça... C'est des gens de la région, donc ils sont identifiés à l'équipe. Donc ça aide beaucoup. Puis je crois que les gens, à ce moment-là, vont pas abandonner le Titan. Ça sera pas comme les années de Vachemec qu'on a connues il y a de nombreuses années. Mais on verra vraiment là dans les 2-3 prochaines années la vraie valeur des partisans et si cette équipe-là peut rester longtemps. Le test là n'était pas en gagnant la Coupe, Danny, c'était... Ça va être dans les 2-3 prochaines années. Nous, ce qui nous intéresse, c'est au sein de Lac-Saint-Jean, tu comprendras, c'est ce qu'on va recevoir dans la carte de crédit de Jermaine Rutsoff et également Olivier Galipeau. Ce qu'on sait, c'est Chams est déjà impliqué. On parlait même d'Asselin. Et il y en a même qui ont dit Noah Dobson. Est-ce que Noah Dobson, c'est pensable qu'il irait avec les Saguenayens? À moins là d'une grosse transaction, je pense pas qu'il partirait maintenant. Okay. Je crois que ça ira peut-être plus tard. Il faut dire que Noah Dobson a seulement 17 ans, donc il sera inadmissible au repêchage à la Ligue nationale de hockey. Est-ce que il peut servir plus tard? Je vous rappelle que les échanges de Rupsoff puis de Galipeau, ça s'est fait en 2 tranches. Donc est-ce qu'il y a cette des choix qui peuvent être échangés un peu plus tard. Ça a peut-être été discuté. Je douterais pour l'instant, là. Mais encore okay. C'est assez fragmentaire. On sait que Ducharme s'en va là-bas. Il y aura peut-être d'autres transactions plus tard. Je doute que ça se fasse au mois de... lors de la prochaine période de transaction, là. Ça pourrait être fait un peu plus tard. Et il y a beaucoup de rumeurs, mais encore là, il y a beaucoup de choses. Est-ce que c'est des, je t'ai aidé, là, mais plus tard, j'en ai besoin de toi, là. Comme on sait qu'Antoine Morin s'en va à Halifax, par exemple. Ouais. Ben, ça, c'est quelque chose qui, on savait un peu, mais on savait pas si c'était Halifax ou une autre équipe à qui, là, il avait été promis, là. Donc, on verra pour l'instant. Noah Dobson, si vous réussissez à l'avoir, avec les Saguenay de Chicoutimi, ça sera tout un atout pour une équipe. Il peut changer de défense. Jamin Rutsoff, quand il est arrivé à Chicoutimi, il est arrivé en grande pompe avec un gros tapage publicitaire. De ce qu'on a vu de loin, je l'ai trouvé très ordinaire. Il était nettement pas le joueur qui est arrivé avec la grosse réputation. Comment vous l'avez trouvé à Batters? Ben, il y a des gens qui auraient aimé avoir un peu plus de marquer de lui, un peu plus d'apport offensif. Les gens, ce qui a fait la différence, c'est qu'il y avait beaucoup d'autres joueurs autour qui pouvaient marquer des buts. En Coupe Memorial, je vous rappelle que c'est le troisième trio sont les joueurs de soutien qui ont marqué tous les buts. Et Roussoff n'était pas tout seul à pas marquer. Il y avait Morin aussi qui a eu de la difficulté. Donc, de l'autre côté, il a réussi à porter quelque chose de soutien. Il y avait de bonnes séquences dangereuses. Je pense qu'en bout de ligne, c'est la finition qui manquait. Mais bon, s'il avait été le seul joueur à contribuer offensivement, il se serait probablement garroché quelques tomates parce que il était un peu caché. Mais on l'a vu, des gens ont aimé, par exemple, sa performance lorsqu'il bloquait des lancers. Il avait pas peur en désavantage numérique de faire certaines choses. Donc, il a pu se faire pardonner de cette façon-là. Dernière question, François, parce que tu m'avais demandé pas plus que 10 minutes, donc, parce que t'as le brou dans le toupette à t'aider. J'ai été surpris d'apprendre que Batters, c'est une petite ville de 12 000 personnes, puis qu'il y avait un club junior. Est-ce qu'il y avait, il y a d'autres grosses villes autour qui faisaient ça? Parce que 12 000 personnes pour un club junior, me semble que c'est pas beaucoup. On savait que Batters, c'est un petit marché, mais entre un petit marché et un petit marché de 12 000, il y a deux, là. Est-ce que vrai? Ouais. Qu'est-ce qui explique ça? Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que Batters a un amphithéâtre de 3500 personnes, qui est une pièce majeure qui a été construite en 1996, et on cherchait des locataires. Il faut dire qu'au départ, il y avait ce rêve un bout de temps dans les Maritimes qui est d'avoir beaucoup d'équipes de la Ligue américaine, et la Ligue américaine était peut-être un peu dans la mire de Batters au départ, c'était des affaires à long terme. Là. Il n'y avait pas de rêve solide. Lorsque l'amphithéâtre est arrivé ici, c'était une construction majeure. À ce moment-là, ben, il y avait besoin d'un locataire et Léo Guy Morissette a pu négocier certaines choses pour s'en venir à Batters pour avoir un bon bail, par exemple, pour avoir de bonnes conditions. Mais Batters, il y a deux affaires. C'est que Batters, c'est la plus petite ville de la Ligue canadienne de hockey avec 12 000 personnes. Hey. Mais dans un rayon d'une heure ou une heure et demie de route, là, ici, on dit souvent les distances en heure, là, à peu près, on dirait que c'est une région de 34 000 personnes. Ça peut soutenir un bon bassin de population. Donc, ça veut dire, par exemple, que les gens de la péninsule acadienne vont conduire pendant une heure ou 80 kilomètres pour aller à l'amphithéâtre et revenir après. Ce qui fait que des fois, lorsque l'équipe perdait à répétition ou ne répondait pas aux attentes, ben, c'est pas tout le monde, les baby boomers qui sont passés de 50 à 60 ans, qui avaient le goût de conduire, essayer de passer au travers des orignaux parce qu'il y a des orignaux sur la route le soir, de dire bon ben est-ce que je vais encourager une équipe qui me donnera pas un bon spectacle, qui va se mettre les tripes sur la glace pour essayer de gagner, même si on sait qu'ils n'ont aucune chance. Donc, dans l'ensemble, c'est ça qui fait que c'est pour ça que ça peut être surprenant. Mais c'est un marché qui parle de Campbellton au nord, et on voudrait même à un moment donné de Saint-Quentin un peu plus à l'ouest. Campbellton, et au sud, il y a Miramichi, et après ça, ça va jusqu'à Miscou-Lamec, Caraquette, Chipagan, dans ce coin-là, la péninsule acadienne. C'est pour ça que l'équipe s'appelle Acadie Batters, parce qu'on parle de la région acadienne de la péninsule, qui fait en sorte que c'est un bon bassin de population. Et de Miramichi à Batters, c'est environ 75 kilomètres, ça se fait très bien par l'autoroute. Il y a des clôtures à Origno. Donc, dans l'ensemble, c'est ça, et c'est... Mais de l'autre côté, c'est la plus petite ville, mais c'est un des plus petits marchés. Et avoir gagné la Coupe Memorial, c'est un des plus petits marchés. Et si c'est tenu à bout de bras, c'est parce que les propriétaires ont accusé des pertes immenses pour pouvoir garder l'équipe là. Et l'équipe présentement est sur la bonne la pente montante. Ben, François, merci beaucoup. Au plaisir de se reparler. Ça me fait plaisir, Danny. Au revoir. De Radio-Canada Acadie, François Leblanc.